L'étoile du chaos. Un petit contretemps, un délai, rien d'autre. Balançant la peinture au bout de mes bras, je m'attaque au petit coffre-fort comme un forcené. C'est un vieux modèle, mécanique, sans circuit. Une valeur sûre. Tout le monde insistait pour que je prenne le dernier cri. Scanner oculaire, biométrique et tout. Mais qu'est-ce qui arrive si quelqu'un me coupe la tête, hein? Et de quoi j'aurais l'air? Maintenant, quelle est cette putain de combinaison? Une panoplie de chandelles orne ma suite au dernier étage du Lilith Club. Leur lueur envoie de chauds reflets sur le plancher de bois de chêne. Les murs blancs d'os, les moulures gravées à la main, puis le lit à baldaquin, les draps de vinyle noir, une paire de menottes encore accrochées, ma collection d'outils sur le mur, cravache, fouet, pince. Un moment de paix. La porte de la salle de bain est entr'ouverte. J'entends le ruissellement délicat de la douche. Je peux voir le miroir embué et du coin de l'œil, la silhouette suggestive de l'Anchia derrière le rideau. Clic. Voilà. La porte du coffre-fort s'ouvre enfin. Je fourre tout dans un sac de sport. Trois petits lingots d'or, des passeports de différentes nationalités, un paquet de liasses d'argent dans six différentes monnaies. J'ai pas dit mon dernier mot. Aussitôt fait, je me vautre sur une commode, passe tiroir après tiroir, sélectionne un ensemble de chemises, cravates, bas assortis. Tout doit être impeccable. Je suis encore vivant. Je suis toujours moi. Par-delà les carreaux de la suite, je peux voir le ciel changer de couleur lentement. Le noir terrible et les brumes sales tirant peu à peu vers un pourpre distinct. Le présage de l'aube à venir. Tout ira bien, oui. Il y a du potentiel même. Ces salauds du M9A m'ont débarrassé des vautours de l'arcologie, ont rossé la compétition, fait le ménage à ma place. Après tout ce brouhaha, les bonnes gens vont se tourner vers moi pour les sauver. Un leader compétent, un visage familier. Et qui d'autre que William Saint-Onge pour la job, hein? Qui d'autre? Tout sera bientôt réglé. Et je... Merde. Quelque chose fonctionne pas. Ça cloche. Non? Expliquez-moi comment une poignée de petits gueux en caleçon aurait pu s'infiltrer comme ça, en sifflotant tout bonnement jusqu'au sommet de ma forteresse. Oubliez l'équipement de sécurité à la fine pointe. Oubliez la moitié du personnel de l'arcologie qui aurait pu me trahir. Et Dieu sait pourquoi. Le terminal exécutif, celui au dernier étage. Il faut des codes. Mes codes pour y avoir accès. Je suis en train de réarranger mon ensemble. Devrais-je choisir une cravate bourgogne ou cramoisie? Quand l'Anchea sort de la salle de bain, enrobée d'une serviette blanche. La vision me tire de ma rêverie. L'espace d'un moment, je la vois au naturel, sans maquillage. Et elle est... belle. Si véritablement, si purement, délicatement et parfaitement belle, sans artifice, simplement là, dans sa cinglante réalité. Légèrement, elle sourit. Un sourire rassurant, empli d'affection, de compréhension, surtout de complicité. Ses pieds nus dégoulinent sur le plancher, tandis qu'elle fait quelques pas délicats vers moi, vers la commode, près du lit, saisit une brosse à cheveux. Elle n'a pas réagi en découvrant la suite. Ma suite privée et mes jouets. Bien sûr, Elle peut pas me juger. Elle est comme moi, je le sais. Tu peux fouiller dans la garde-robe, je lui dis en retournant mes affaires. Il y a des robes et des bottes. Peut-être que tu trouveras ta pointure. Nous allons marcher longtemps encore avant de trouver des renforts. Il faudra possiblement sortir de la ville. Après, on pourra peut-être passer un peu de temps au château avant la suite. Déjà, de nouveaux schèmes se forment dans mon esprit. Je peux concevoir mon retour au pouvoir, la consolidation, comment je vais tourner cette situation à mon avantage, profiter de la crise. Non, rien n'est perdu finalement. J'ai une chance de corriger le tir. Si ça se trouve, ces chiens galeux m'ont fait une faveur. Dis-moi, je demande à Lanchea, que dirais-tu d'un voyage à Singapour? Et c'est en relevant la tête que je remarque, du coin de l'œil, un détail dans la salle de bain. Là, à travers la porte entr'ouverte sur le miroir, un symbole tracé dans la buée du bout des doigts. Plusieurs flèches qui vont dans tous les sens à partir d'un même point. L'étoile du chaos. Où est-ce que j'ai déjà vu ça? Il m'apparaît soudainement étrange que chacune de ces pointes ressemble en quelque sorte au fer de lance, au tatouage de Lanchea. Ma fleur impossible. Le sang fige dans mes veines. Je tourne les talons et la vrille me donne le tournis. Tout bascule. Elle est là, enrobée dans la serviette, d'une splendeur fracassante. Brandissant le 38 chromé à deux mains, habilement, le pointant tout droit vers ma tête. Enfin, je comprends tout. C'est son regard. Il devrait être froid, détaché comme une proue. Une vraie psychopathe, mon âme sœur. Mais non. Ses yeux s'embrouillent, la glace des iris fond en larmes. Ses lèvres tremblent. À travers les pleurs, Lanchea me garde bien en mire. C'est pas aussi facile de tuer quelqu'un quand tu ressens de l'empathie. Les voiles tombent. Elle est comme eux alors, rien qu'un mouton parmi tant d'autres. Un mouton qui sait faire la comédie. Oh la pute! Pendant que je cherche mes mots, une façon de m'en sortir, n'importe quoi, Lanchea persévère malgré les larmes, arme le revolver, appuyant du pouce sur le marteau. S'ensuit un déclic subtil, le barillet pivote. Ce sera d'une seconde à l'autre. Non, je tente, j'essaie de lui offrir mon meilleur, mon plus beau sourire, les lèvres, les yeux, pleines dents, la totale. Je veux, mais je n'y arrive pas. Je suis pas capable. Tout ce que je vois, c'est ce doigt si fin, cet index d'une main laiteuse qui se referme, peu à peu, sur la gâchette et la presse. Doucement. Tout doucement. Et merde.